Bonjour ou bonsoir, c'est le congélateur qui vous parle. Le répondeur téléphonique est allé aux putes, mais laissez-moi un message et je lui transmettrai. Merci.